Lime limiye mama, lime bobej na tishu, lime ten kita bla mama, bomba we bodi ma pet biye, ye wo so am domi, rat la mode mwen na biye, we te mate ya mama, bomba bab domi soa, ye wo so am domi, rat la mode mwen na biye, we te mate ya mama, bomba bab. Dormi soa Rat la dévore mwen mama Bam dra gelatine nan tishou Bam zoye plastique la mama Pour rat la garder moi nan vitrine, rat la dévorer moi maman. Bam traje la tine nan tichou, bam sorye plastique la maman. Pour rat la garder moi nan vitrine, fem dodo, passa dormi, wete matea, wete malè. Rat la mote moi, wete matea, on kapab dormi. Mette mwen lè, rat la mwen dem nan piye, mwen bezwen sorti, pa sa bet sou liye, mwen kapab sorti, wete mwen lè, mette mwen lè, mwen kapab dopi baba, oui baba oui, anwe rat la mwen dem, anwe, anwe, Wete matea, mwen kapab dormi, rat la mwen dem nan piye mwen, mwen pa sa met sou liye, mwen bezwen sorti, mwen pa sa sorti, wete matea, wete male, mwen kapab dormi, mwen wi mama, fem dodo, pa sa dormi. Wete matea, wete mana, fem dodo, fem dodo. Wete matea, wete mana, fem dodo, pasa dodo. Wete matea, wete mana, fem dodo, fem dodo. Fem dodo. Avance nous, on va dormir dans la vieille caille planche.